Flamingos Podcast, le podcast potache qui tâche. Ah, ce son, c'est bon! Eh bien, c'est le Flamingos, on y est, c'est parti! C'est le rendez-vous où une thématique est abordée de façon approximative, parce que c'est quand même ça l'essence des podcasts français, c'est d'aborder tout un peu à la va-vite. Eh bien, nous, on est vraiment le cœur du podcast français. Donc, merci de nous retrouver dans cette édition spéciale avec un petit tour de table pour commencer. Qui compose l'équipe de cette édition spéciale? Eh ben, il y a Brie. Brie, ça va? Ça va. En pleine forme? En pleine forme. À donf. À donf, comme disent nos amis détendu plus jeunes, détendus. Et toi, Ludie, qui est là, qui est ce soir présente? Et oui, salut à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Eh bien, souvent, les Français répondent « ça va ». I'm fine, ça c'est les Anglais. Et les Italiens? Et en Bretagne, mon aramad. Attention, ils ont beaucoup de points communs, les deux. Hein. Donc, vous venez d'entendre Jean-Kev, qui fait partie de l'émission. Ça va, Jean-Kev? Mais oui, ça va, et toi? Bien. Eh bien, Jean-Kev et Ludie parlent bien le breton, a priori. On fera peut-être une battle dans l'émission. Battle de breton. Qui peut me dire voiture en breton de vous deux? Rartan. Autocar. Autocar, ça c'est Tintin, les cigares d'autocar. Très bien. C'est le sceptre d'autocar. Ah, c'est le sceptre, d'accord, ok. Mais on est approximatif, donc ça marche. Ça reste du Tintin. On est très heureux de vous accueillir dans cette édition, internaute. Et toi, comment tu t'appelles? Eh bien, moi, c'est Jack. C'est vrai, tu as raison, on ne se présente jamais parce que ça ne se fait pas. Mais oui, je suis là. Je suis au mic pour vous accompagner. Ça fait plaisir. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Je suis très content de vous retrouver pour cette édition, cette petite bulle d'oxygène dans le grand internet. Eh ben, on est là et on va vous accompagner sur une thématique, puisqu'on est des experts approximatifs, et on va traiter d'une thématique, les ronchons. Et le nom de l'émission, le nom du podcast, c'est « Ça m'énerve ». Il y a des choses qu'il faut dire sur ce sujet, c'est un sujet très important. Les Français sont énervés, hein, de façon générale. Et je vous propose tout de suite un petit tour d'horizon du sommaire de cette émission avec Ludie. Alors pour commencer, on va faire un tour de table pour savoir est-ce qu'il y a des ronchons autour de nous sur cette table. Non. Y a-t-il des ronchons qui se cachent? On le saura, on ne spoile pas. Y a-t-il des ronchons? Vous allez savoir. Ensuite, on passera au ronchomètre. Jack, tu nous as préparé quelque chose pour tester notre niveau de ronchitude. Tout à fait. Un petit test, hein, comme il y a dans les magazines, vous savez. Eh bien là, vous allez avoir le nombre de points nécessaires pour faire partie de la grande famille des ronchons ou pas. Et on passera à ce qui nous énerve en voiture. Terrible. Le lieu parfait pour être bien ronchon. On passera aux personnalités ronchonnes. Chacun aura choisi son ronchon préféré. Vous l'avez choisi, vous? J'ai choisi. En amont de cette émission. Jean-Kev? Oui, je l'ai. Ah. Brie? Oui. Non, c'est un oui pas très franc du collier. Hein. Tu l'as pas choisi ton ronchon, ça se voit tout de suite. Moi, oui, je l'ai choisi, j'en ai même deux. Mais Brie, je pense que on a un petit peu parlé des ronchons. Et, ben oui, mais j'en ai en tête, mais bon, voilà. Eh bien, vous le saurez, on va tout vous dire. Ça nous énerve pendant les courses. Eh bien, qu'est-ce qui nous énerve pendant les courses? On va aborder tout ça par la suite, et on terminera par ce qui nous insupporte le plus. Ouais. On va pouvoir se lâcher. Là, on se lâche. C'est vraiment... Non, c'est l'émission, faut sortir ce qu'on a sur le cœur. Faut vraiment l'expulser pour ne garder que le positif en soi. Donc c'est l'émission exutoire. Voilà. C'est bien, hein? Il fallait un espace. Eh bien, on l'a créé. C'est le podcast Flamingos. On va dire tout ce qui nous énerve. Voilà, tout simplement. Oui. Tiens, j'ai un petit jingle quand même. Ça m'énerve. C'est sûr. Ouais, tu savais que le roi de l'énervement, il s'appelle Helmut Fritz. C'est beau. Qu'on salue. Allez, on commence par ce petit tour de table, justement. Est-ce qu'on a affaire à des ronchons autour de la table? Ludie, toi, est-ce que tu te sens ronchonne? Pas vraiment. Non ? Pas vraiment. Si, quand je suis fatiguée, je peux être ronchonne avec mes proches, mais pas dans le boulot, pas dans... Non, t'es plutôt agréable en temps normal, mais avec des gens très proches, peut-être. En fin de journée... Ouais, c'est là où tu retrouves souvent les plus proches, en plus. C'est ça. Et là, ça explose. Non, tu exploses jamais. Non, ronchon gentil, mais je ralouille, quoi. De quoi? Je ralouille. Tu ralouilles. Du verbe ralouiller. Ils se comprennent en plus. T'as vu, Brie? On parle breton tous les deux, t'as vu? Non, mais c'est du breton, je ralouille. Mais non, pas du tout. Je râle un petit peu, quoi. Tu ouais, vois. Tu ralouilles, quoi. Ok. Brie, toi, t'es ronchonne? Ben, je crois pas. Peut-être un peu de temps en temps. On sait jamais, en fait. On est toujours ben non, le ronchon de l'autre. C'est ça, quoi. J'ai pas l'impression de ronchonner. En tout cas, jamais à tort. Ouais, t'as toujours. Bah, souvent, c'est ce que dit le ronchon. Hein. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi, non? Voilà. Non, j'ai pas l'impression d'être ronchon. D'accord. Mais bon, ça doit m'arriver, comme à tout le monde. Il y aurait pas de ronchon pour l'instant autour de la table. Jean-Kev. Si, moi, je suis un peu ronchon, mais à un certain moment juste de la journée, c'est après ma sieste. Ouais. Mais tu l'as fait quand? Bah, je l'ai fait avant d'aller courir. Mais du coup, il est quelle heure? Il est quoi? Après manger, 13h. À peu près, là, tu vois. Et si je dors trop, là, je me lève, mais... pas me faire chier. T'as le temps de manger, de courir et de retourner au boulot? Non, le week-end. Le week-end, ah oui. Il ne court que le week-end. Si vous avez écouté l'émission précédente, cet homme ne court que le week-end. Il s'appelle Jean-Kev, et c'est notre spécialiste approximatif du sport. Merci. Il est un peu ronchon, donc il ne faut pas te réveiller. Au saut du lit, t'es ronchon, quoi. Non, pas au saut du lit, après la sieste. Hein. Ouais, vraiment, après la sieste. Après la sieste ouais. C'est bien de faire des siestes. Bah, ouais, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, Brie. On n'en fait pas assez. Trop bien le week-end. Après ok, et ben moi, est-ce que je suis ronchon? En fait, c'est très difficile de se le dire. Moi, je pense pas non plus être ronchon. Mais Brie, toi, tu penses que je suis ronchon? Bah... Non, ça... En fait, on va dire que t'es jamais trop ronchon. Oh. Mais du coup, quand tu l'es un peu, ben ça se voit, quoi. Ouais, voilà. Moi, je l'ai déjà vu ronchon. Ben c'est ça, ça arrive et en général, on passe pas à côté. Quoi. Il est très ronchon. Ah, il m'a vu très ronchon. Ok. Je permets. Ça m'énerve. Ok. Et ben, tour de table, globalement, on n'est pas trop ronchon. Occasionnellement. On se l'avoue pas. On se l'avoue pas. Très bien. Eh bien, on continue avec cette thématique qui me plaît. J'ai envie de manger du ronchon. Il y a quoi dans la suite? Eh bien, c'est toi, Jack, avec le ronchomètre. Le ronchomètre. J'ai inventé ce test, justement, parce que c'est très subjectif, le fait d'être ronchon. Et moi, je l'ai mis en lumière de façon scientifique, avec un test. Les tests sont des éléments scientifiques de preuve. Eh bien, vous allez répondre à ces questions. Vous êtes prêts? Allez. Prêt. Alors, il me faut un stylo. Évidemment, je n'en ai pas. Donc, on va trouver un stylo. Alors le ronchomètre, c'est le test que j'ai créé, déposé. Donc vous êtes les premiers ce soir à le tester. Écoutez bien, il y a 5 questions. J'attends de vous des réponses franches. Le soir, tu rentres, tu mets une musique, petit A, une musique joyeuse, genre Patrick Sébastien. Petit B, une musique tranquille, smooth, chill. Ou alors, tu n'aimes pas la musique, tu mets rien. Brie. La musique joyeuse. Du Patrick. Ouais. C'est noté. Ludie. Une musique tranquille plutôt. T'es plutôt tranquille, smooth, chill. C'est ça. Toi, t'écoutes Nova, je crois. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Que t'écoutes ou... Que j'ai pas écouté Nova. Ah, que t'as pas écouté, d'accord. On se voit plus assez, Ludie. On fait plus d'émissions. Ah, c'est ça. Jean-Kev. Mais moi, je suis pareil. Un peu plus chill, quand même. Un peu plus chill. Moi, je suis chill. Je suis chill. Mais j'aime bien le Patrick aussi. Hein. Je suis entre le chill et le Patrick. Ça dépend du moment. Hein. Ça dépend du moment. Donc, deuxième question. Pendant le petit déjeuner, une phase très importante. Petit A, tu apprécies ce moment matinal. Petit B, C'est bien le petit-déj, mais la tâche de café en moins, ce serait mieux. Ou alors, petit 3, ou petit C, j'aime pas le petit-déj. Brie. Ben moi, j'adore le petit-déj. Je sais. Je fais traîner les petits-déj. Tu fais traîner les petits-déj ? Oui. Petite révélation sur Brie, elle peut même faire du petit-déj... Le soir. Le soir. Et c'est ton préféré. Ouais. Ludie. Eh ben écoute, je veux dire que les jours où il faut mettre le réveil, j'aime pas les petits-déj. Ah ouais ? Et le week-end, j'aime bien les petits-déj. Je coche quoi ? Ben, j'aime pas les petits-déj alors. Ouais, elle est ronchonne. ok. Et toi, Jean-Kev ? Moi, j'aime bien les petits-déj aussi. Ah, à fond. À fond. Ben, moi, la tâche, hein, c'est pour moi. C'est sûr. Je vais faire une tâche parce que je suis toujours un peu en retard. Hein, vous connaissez mon exactitude. Question 3. Quand tu reçois un cadeau, petit A, tu es toujours content. C'est trop bien que quelqu'un pense à toi. Petit B, un peu déçu. Tu t'attendais à mieux comme cadeau. Petit C, c'est bien, mais tu vas devoir faire un cadeau en retour. Ça, c'est moins bien. Jean-Kev. Moi, je serais plus petit C, tu vois. Allez. Petit C, c'est bien, 3. Mais tu vas devoir faire un cadeau en retour. C'est ça. Ça marche. Brie. Moi, j'aime bien les cadeaux, peu importe le cadeau. Donc, t'es plutôt, tu es toujours contente. Ouais. Ludie. Eh ben, je suis toujours contente aussi. Super. Et toi ? Ben, allez, je vais dire que je suis toujours content, parce que c'est vrai. On voit qui est le ronchon. Sur cette question. Question 4. Aimes-tu recevoir un compliment, petit A, faire un compliment, petit B, ou les compliments, c'est gênant, petit C ? Ludie. Les compliments, c'est gênant. Ah ouais ? D'accord. Jean-Kev. J'aime bien faire des compliments. Oh. Et toi, Brie ? Eh ben, je suis partagée, je suis un peu embêtée. Je serais entre les compliments, c'est gênant, et j'aime faire des compliments. Moi, je dirais que j'aime faire des compliments. C'est noté. Je vais être aussi dans le côté j'aime faire des compliments. T'es très en beauté, Ludie. Hey, Brie, t'es vraiment magnifique ce soir. Jean-Kev, vous avez vu ce sourire ? Ça y est, j'ai fait la preuve par A plus B. T'es trop fort. Que je fais des compliments. Dernière question du ronchomètre, un test scientifique pour savoir si vous êtes des ronchons dans la vie. Et justement, dans la vie au quotidien, un imprévu t'arrive. Ça arrive toujours, des imprévus. Petit A, catastrophe, mon planning est plié. Petit B, chouette, une opportunité de vivre autre chose. Petit C, un autre jour, cela aurait été mieux quand même. Jean-Kev ? Petit B, monsieur. Chouette ! Ouais. Bah, lui, il fait tout. Hein. La vie est nous, un perpétuel jeu d'enfant. Exactement. Petit B. Brie ? C'était quoi le petit A ? Catastrophe, mon planning est plié. Non, bah, un autre jour, ça aurait été mieux. C'est jamais le bon jour. Le C, ouais. Ça marche. Et toi, Ludie ? Oui, pareil. C'est jamais le bon jour. C'est jamais le bon bah, jour. Non. Allez. Je vais mettre également la même réponse. C'est jamais le bon jour, mais ça m'aurait fait plaisir. J'aurais aimé avoir l'esprit de Jean-Kev, en vérité. Alors voilà, on a répondu à toutes ces questions. On va savoir qui est le plus ronchon de la bande. Je vais poser, évidemment, on va couper au montage. Je ne sais plus s'il faut avoir beaucoup de points. Plus t'as de points, plus t'es ronchon. C'est breveté, ça. Hein, c'est... ouais, c'est breveté. ouais. Freud me... Il se retourne là. Il se retourne dans sa tombe. Bah, écoutez, ça va peut-être faire apparaître des choses. Ouais. Désolé pour certains. Nous venons de finir le comptage et il y a de fortes surprises là qui se dégagent de ce ronchomètre. je peux vous faire un top, un classement des plus ronchons chroniqueurs du Flamingos, des présentateurs du Flamingos. Vous voulez entendre ? Allez. Moi, je veux pas. On t'écoute. Alors. Le moins ronchon serait Jean Kev. Oui, évidemment. Jean Kev est vraiment la personne la plus facile à vivre. C'est nerveux, j'arrête pas de le dire. Brie, Jacques, on est un petit peu ronchon. Mais alors, la plus ronchonne de toutes, c'est Ludie, qui nous fait un score magnifique. Bravo, Ludie. Merci, merci. Tu es la plus ronchonne. Et je rappelle que ce test est scientifique. Hein. Et breveté. Et breveté, très important. Bah oui, bien sûr. Bon, désolé, hein, Ludie. Un petit commentaire. Pas de souci. Un petit commentaire. Pas de souci, j'accepte. Tu t'y attendais ? Un petit peu. Tu peux faire genre comme une cérémonie, on te remet le prix de la ronchitude. Tu remercies. Je remercie toute l'équipe autour de la table. C'est grâce à vous que je suis insupportable. Merci d'avoir mis en lumière ma ronchitude. Y a pas de quoi. On t'applaudit bien fort. Merci, merci. Petit test intéressant et bien breveté, donc ça appartient aux Flamingos. Hein. Si vous le voyez dans un autre magazine de mode ou de psychologie, dites-vous bien que le test, il a été inventé chez nous. Hein. Hein, vous nous le direz. Allez, on enchaîne avec cette thématique des gens énervés. Ça m'énerve. Et on va voir si vous êtes énervé au volant, parce que c'est vraiment l'endroit où on s'énerve le plus par définition. Vous êtes d'accord ? C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. C'est là où ça fait ressortir les vraies personnalités, les personnalités négatives. On les voit au volant, elles sont hargneuses. On les voit d'ailleurs, elles sont toutes rouges, portent des casquettes et klaxonnent. Alors on va voir justement ce qui vous énerve dans les embouteillages ou de façon plus générale quand vous conduisez un véhicule. Et pour ce faire, on va se mettre dans l'ambiance et on va faire un petit tour de table. Chacun va nous dire ce qui l'énerve justement en voiture. Alors le tour de table va commencer, mais avant, on se met dans les embouteillages. Vous êtes prêts ? Prêt. Ambiance sonore. J'ai même un petit klaxon. Oh, dis donc, tu vas pousser ta voiture ? Waouh ! Alors, Jean-Kev, toi, qu'est-ce qui t'énerve ? Alors, moi, ce qui m'énerve au volant... Au volant. C'est les gens qui te grillent la priorité, mais qui font mine de pas te voir, tu vois. Ça, c'est insupportable. Tu sais la meuf ou... Désolé. Oui, c'était tellement naturel. Oh non. Parce que, ouais, malheureusement, mesdames... C'est dommage, on a fait tout saturer, mais c'était drôle. Ah, désolé, oui. Effectivement, c'était une dame la dernière fois. Alors du coup, je dis mesdames. Non, cette dame-là, c'était sur un rond-point. Hein, bref, voilà. Ça rond-point un peu, souvent ça se passe. Quoi. Je sais qu'il y a toujours les gens qui vont griller. Et donc, elle voit que j'arrive, elle passe, et genre... Elle reste regardée en face, mais tu sais qu'au fond, elle a vu quoi, tu vois. Mais non, elle va rester en se disant non, il m'a pas vu. Et c'est je trouve ça insupportable. Ouais, on sent vraiment que. Ah oui, non. Ça t'agace quoi. Ah, toi, limite, tu peux faire un petit geste, excusez-moi. Tu vois, ouais. Mais non, tu t'as vu quoi. Enfin, ouais. Moi, ouais, ça m'insupporte. Bah, je compatis, hein, moi j'aime pas non plus. Ludie, toi au volant, t'es comment ? Bah, je m'énerve pas trop, mais comme... Ça commence bien. Je m'énerve pas trop, mais... comment dire ? J'ai pris du ronchomètre. Vas-y. Comme ça m'arrive d'être en retard occasionnellement, on va dire. Oui, comme nous tous. Bah, les gens qui n'avancent pas vraiment, qui croient qu'il y a personne derrière, en fait, ça m'énerve, quoi. La route, c'est fait pour rouler. Les ronds-points, c'est fait pour rouler. C'est, voilà, c'est des toi fois... qui grille, en fait, la priorité. C'est la fameuse dame que t'as rencontrée sur le rond-point. Mais non, si ça passe pas, je passe pas. Mais s'il y a personne, on avance, quoi. Voilà. Allez, et faut que ça file. Hein. C'est ce qu'on t'apprend hein, dans les auto-écoles. Ben, on nous apprend une conduite dynamique. Donc ouais, moi, ça. J'ai suivi ses conseils et j'ai une conduite dynamique. Cet accident. C'était dynamique. Hein. J'étais dynamique. J'ai foncé dedans. C'est vrai qu'on nous apprend ça à l'auto-école. ne pas rester comme ça, bloquer les gens. Il faut avancer. Tout à fait. Très bien. Et toi, Bri? Eh ben, moi, j'aime pas les gens qui te doublent et qui mettent super longtemps à te doubler et qui se rabattent pas, ou les gens qui restent sur la file de gauche et qui avancent pas, quoi. Enfin, qui restent sur la file de gauche, qui t'empêchent, toi, de doubler. En fait. J'ai l'impression d'être toutes les personnes lourdes que vous Je confirme. Vous trouvez lourdes. C'était pour dire que... Ah si, il y a autre chose qui m'énerve en voiture, ouais. Du coup. Hein, puisque t'en parles. Tu penses à moi, du coup. Bah, du coup, je pense à toi. D'accord. Avoir Jack. Un passager, donc quand c'est toi qui conduis, c'est toi qui conduis. Et quand le passager fait semblant de freiner pour toi, et puis que tu le vois s'accrocher, oh, fais attention, je déteste. Là, j'ai envie de m'arrêter, de lui dire, bah, écoute, prends la voiture. Ah non, mais il y a un truc, c'est... j'ai une phobie du non-respect, c'est des distances... Et quand ces distances sur des conduites un peu nerveuses sont dynamiques, rompues, moi ça me stresse. Et du coup je m'accroche. C'est juste une histoire de distance, c'est tout. Oui, mais il espère arrêter la voiture. De confiance aussi, j'ai l'impression. Ouais. Non, je le fais, c'est vrai, assez facilement, le fait de m'accrocher ou de freiner. Ok, très bien. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui m'énerve. Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve en voiture, c'est quand on est dans un embouteillage. Et que le gars derrière toi, alors que t'es bloqué par plein de voitures, il va te klaxonner. Il va dire, je peux pas avancer, j'ai 15 voitures devant moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me klaxonner toute ta vie. T'as envie de sortir là, vraiment. Et je le fais pas. Parce que j'ai peur. C'est peut-être quelqu'un de fort derrière. Non, ça vous énerve pas ceux qui klaxonnent dans les embouteillages? Ça sert à quoi en fait? Bah comme ça sert à rien, moi ça m'énerve pas, il s'énerve tout seul. Hein. Ouais, ouais, mais c'est... du coup c'est un peu gênant. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, ouais. Voilà ce qui nous énerve dans les embouteillages. Tu peux essayer d'accélérer sinon avec ta fausse pédale. Ah oui, faire semblant d'accélérer. C'est vrai que ça nous énerve ces gens dans les voitures qui n'avancent pas, Lydie. Et qui klaxonne à tout va et qui grille les priorités. Exactement. Tout en faisant mine d'être dans leur bon droit. Vous trouvez pas que c'est vraiment typique de la France, ça, cet énervement au volant? Et on n'a pas parlé des insultes. Ouais, c'est vrai. On est resté. C'est vrai. Qui c'est qui insulte les autres conducteurs dans sa voiture? Bah, écoute, moi j'ai un truc là-dessus. Tu vois, je pensais pas que j'étais trop énervé au volant. Et j'ai une fois, on attendait au rond-point, et j'ai mon fils qui était derrière, et là, mon fils a sorti « Bouge ton cul !» Et là, j'ai dit « Quoi ?» C'est pas moi qui ai dit ça. Et peut-être que du coup, je m'en rends même plus compte, en fait. Parce que toi, tu dis machinalement bah, ce genre de phrase. Ouais, je dis ça, du coup, mon fils répète, voilà, c'est moche. Et toi, Ludie? Non, je n'insulte pas trop, non. Je dis « Bah, avance, quoi, mais... » Oh, tu dis... menteuse. S'il te plaît, pourrais-tu avancer ta voiture un peu plus vite? Tu dis vraiment à l'autre, ouais, avance. Non, je dis, bah, je vais pas te pousser non plus, quoi, mais non, je suis pas dans les insultes, c'est s'il vrai. S'il vous plaît, monsieur. Avancez. Toi qui t'entends pas, quoi. Très bien, très courtoise. Je vais revoir le test. Hein, torture pour moi. Bri, ouais, je te connais un petit peu, t'es pas trop du genre à insulter. Alors, j'insulte pas, mais oui, je pense que je peux râler, oui. Ah ouais. Ouais. Un petit peu. Bon, ça va. Bon, ça on est globalement pas trop ronchons. On peut être très honnête. C'est vrai aussi. Flamingos. Flamingos. Le podcast qui passe du coq au cheval. Qui passe du coq au cheval. Eh bien, c'était bien ce petit tour d'horizon des gens dans les voitures. Les embouteillages, tout ça, c'est une source d'énervement. Et sans transition, nous allons passer à la suite de cette thématique spéciale « Ça m'énerve » avec les personnalités ronchonnes. Et justement, nous avions une mission... sélectionner un ronchon connu. Ludie. Eh bien, moi, j'ai pensé tout de suite à Jean-Pierre Coff. Ah, Jean-Pierre Coff. Et oui, connu pour ses coups de gueule et sa célèbre phrase « C'est de la merde ». Il parlait du McDo ou... Il parlait de la charcuterie industrielle, je crois. Ah oui, tout ce qui était industriel. Tout ouais. ça. Tout avec du sel rajouté à excès, en excès. C'est ça. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Jean-Pierre Coff, très sympathique, effectivement, qui nous manque, hein, d'ailleurs, on le salue. Non, mais attends, c'est... Il est pas mort ? Si, si. Il est mort ? Ah non ! Mais il est où ? Je vais reprendre parce que là, on est vraiment en... Ouais, Jean-Pierre Coff, une personnalité qui a marqué son temps. Et l'histoire de la télé en termes de cuisine et de recettes. Alors Jean-Pierre Coff, effectivement, une personnalité ronchonne par excellence, qui était quand même qui faisait le sel, justement, si je puis dire, de ces émissions où il, tout de suite il mettait de l'ambiance comme jamais personne n'en a mis dans une émission de cuisine. Avec Maïté, qui devait être une ronchonne aussi, je pense. Maïté! La cuisine des mousquetaires, non, ça te parle pas. Mais pourquoi elle serait une ronchonne? Plutôt une bonne vivante, non? Ouais, oui, des fois, elle enguirlandait la nourriture, elle tapait sur la truite qui voulait pas se laisser mourir. Tu vas mourir! Non, ça vous parle pas, ces séquences un peu culte? C'est mythique. Mythique, donc la cuisine rend un peu ronchon peut-être aussi, c'est possible. Très bien. Jean-Kev, toi, t'as une personnalité ronchonne que tu affectionnes ou pas d'ailleurs ? Affectionne, oui, non. Non, ou j'ai pas. Une personne ronchonne que je n'affectionne pas particulièrement. C'est pas mes. Alors, bon, ça pas un peu politique, hein. Désolé. Ah, mais je crois que je l'ai. Mélenchon. Oh, génial. Alors, lui, il est bon. Lui, c'est un bon ronchonneur, hein. Donc, voilà. Mélenchon, pour toi, c'est la personnalité ronchonne. Ah ouais, lui, c'est quelque chose, quand même. On a vu sa dernière vidéo, là. Oh, ça fait un moment maintenant qu'elle est sortie, celle-là. La République, c'est moi ! Il le fait bien. Ah oui, hein ? Eh bien, je le refais. Allez, la République, c'est moi ! Mélenchon, j'ai cru que c'était lui. Eh bien, figure-toi que bah, dans l'exercice, bah, je l'ai préparé comme vous. Et c'est quelqu'un que j'ai cité... Et moi, justement, je vais te dire que les gens un peu ronchons, un peu entiers, des fois, c'est toujours intéressant. Il y a toujours une part de vérité dans la colère, comme ça. Et si vous voulez, je vous propose une mélenchonite, c'est-à-dire un extrait où justement, il s'énerve. Ça vous va ? Allez. Mélenchon, c'est à toi. Pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi on ne vous respecte pas ? Juge ma vie à vous défendre ! Non. Juge ma non. vie non. Mais vous et quand on vote contre les directives bien, européennes. Pourquoi personne nous filme là quand vous énervez ? Moi personne me filme. Tu es mon ennemi, c'est ça ? Non. C'est ça que tu veux ? Non, pourquoi personne nous filme ? Alors va voir les mecs de droite, c'est eux non. qui vous ont mis dans la merde. C'est le PS qui vous a mis dans la merde. Il est génial. Enfin, franchement, peu importe la couleur politique, vraiment, quelqu'un d'énergique comme ça qui a toujours de la répartie, tu es mon ennemi ou quoi ? J'adore. Très bien, bah oui, je l'avais dans les petits papiers, des ronchons, des personnalités connues. Et toi, Brie ? J'aime bien Jean-Pierre Bacri. Ah, personnalité énervée, ronchonne par excellence. Mais très attachante aussi. Bien sûr. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps la tête, que rien ne lui va jamais, enfin qu'il faisait. Bien sûr. Il est mort aussi ? Oui. Oui. Mélenchon aussi. Hein. Il nous a quittés. Hier. Voilà, politiquement, peut-être, mais... Donc, Jean-Pierre Bacri, effectivement, une personnalité effectivement très ronchonne. Et il se trouve que, comme Mélenchon, je l'avais sélectionné également. Donc, post-production, on aura bien sûr mis des extraits de Jean-Pierre Coff, qui est excellent dans son rôle de cuisinier mondain. Eh bien là, je vous propose un petit extrait de Jean-Pierre Bacri pour qu'on retrouve justement cette personnalité atypique. On y va. 2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. J'adore. Être en retard, ça fait riche. Bah, tout le c'est monde pour me... ça. Bah, c'est pour ça que je suis en retard. C'est pour ça, Ludy. Mais c'est ça, je comprends maintenant. Être en retard, ça fait riche. Ça marchait. Allez, j'ai une dernière, parce que vraiment, c'était pour moi la personnalité number one des ronchons. J'en ai une, elle m'a fait vraiment rire. C'est un extrait de Jean-Pierre Bacri. Alors, j'ai pas les films, mais en tout cas, j'ai le son. Et il est vraiment en colère. T'as quelque chose de fort, genre eau de vie ou... On commence à s'emmerder ferme. Je ne me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Quelque chose de fort là. Il est bon, il est bon. Je m'emmerde. On se fait chier là. C'est ça. Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos. Ah, l'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, c'est, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles là, c'est ces ronds jaunes qui tirent la langue avec des lunettes de soleil. Les smileys, ça. Ouais, voilà, les ça. Là. C'est qui le dire smiley. Ça vous énerve justement au téléphone, ça vraiment. Là. Ça vous énerve certains messages de certaines personnes ou répondeurs ou textos non. Non. Non. Non, vous êtes content de recevoir des messages. C'est ça. On les écoute plus. Vous êtes fait avoir par le correcteur orthographique automatique ? Ah si, souvent. Souvent, j'ai mis des... j'envoie des messages. Et le correcteur bah, corrige et c'est pas le bon mot. Oui, récemment d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, tu voulais écrire envoyer... Écrire Lucille. Voilà, elle voulait écrire le prénom Lucille. Et ça a écrit Luciole. Imaginez la tête de la personne qui l'a reçue. Bah pour Matisse aussi. Ça écrit quoi ? Ça écrit Matos. Matos, c'est très différent. Et vous, Jean-Kev, Ludy, ça vous est arrivé ? Ben, des fois, quand j'écris en breton, en fait, le correcteur, il ne connaît pas, donc il me change tous mes mots, donc je peux réécrire toute ma phrase. Voilà. Avec Ludy, on a un petit truc à la fin du message, c'est toi qui l'as instauré. On se dit beaucoup. Tu sais ce que ça veut dire, Jean-Kev ? Bisous. Ouais, t'as vu l'effort ? J'étais pas au courant. Bah, c'est notre petit truc avec Ludy, voilà. Beaucoup. Beaucoup. C'est très mignon. Alors, il y a plein d'accents un peu compliqués. Hein, c'est... faut connaître. C'est un O avec un accent, hein, c'est ça ? Un U avec un accent, c'est ça. Voilà, vraiment, je dois toujours mal l'écrire, mais c'est pas grave. Très bien, bon, on a trouvé nos personnalités ronchonnes. Il y en a plein d'autres, évidemment. Plein d'autres. On en a découvert un il n'y a pas longtemps. Enfin, découvert. Comment il s'appelle ? Junio. Junio est très ronchon. Il est ronchon ? Ah oui. Ouais, t'as le ronchon sympa. Et le ronchon pas sympa. Devinez où se place Monsieur Junio. C'était un peu le ronchon déprimant, quoi. Voilà, c'était bien de le... Il faut tout de suite taguer ces personnalités, il faut les dénoncer. Salaud ! Très bien. Hein ? Ça m'énerve. Eh bien, c'est notre thématique, ça m'énerve. Et je trouve qu'on la traite de façon très pertinente hein, pour l'instant. Et très zen. Hein. Ouais, très zen. Mais oui. Vous... Non, ça va, vous ne sentez pas la colère monter, ça va. Pas vous du êtes... tout. Pas du tout. Toujours bien. Bon, parfait. Je fais l'accent de Claude François. Parfait, on s'amuse. Ah bah lui, il était un peu ronchon aussi. Non ah bah, Claude François, bah c'était une teigne. C'est un connard. C'était une teigne. Les personnalités ronchonnes, il y en a quand même pas mal. Mais on vous a donné quand même une bonne liste, là. Vous avez de quoi faire. Retrouvez les extraits sur Internet. Rigolez. Rigolez d'eux. Les ronchons nous font rire. Nous enchaînons avec « Ça m'énerve pendant les courses ». Parce que s'il y a bien un endroit qui horripile les gens, c'est les courses. Le stress ressort dans ces endroits, dans ces supermarchés, chez le traiteur, même dans les marchés tout court. Quoique, c'est plus sympa, c'est plus une balade. Mais vraiment, avec grand centre commercial, il y a un côté... Stressant, agaçant. Stressant, agaçant. Vous ne trouvez pas ? Bah, je fais du drive, du coup, je suis désolé. Donc on retombe sur la ronchitude en voiture. Toi, tu fais du drive. Oui, c'est vrai. Donc tu n'auras pas d'anecdotes sur les courses. Oh, si, quand même. Bah, comme tout le monde, de toute façon, c'est les vieux qui débarquent le samedi, quoi, ou le dimanche, tu vois. L'émission, le Flamingos, l'émission... Déteste les vieux, mais oui, l'histoire sur les vieux. Aime les personnes âgées. On est au supermarché, je vous mets tout de suite l'ambiance, et vous allez me donner un peu tout ce qui vous énerve quand vous faites vos courses. Brie. Les gens qui restent discuter avec leur caddie en plein milieu du rayon et qui font semblant de ne pas te voir et qui t'empêchent de prendre ce que tu as besoin ou de passer. Ouais, c'est énervant. Ouais. Vous l'avez tous vécu ? Oui, oui, oui. Bah non, toi tu fais du drive. Non mais, je l'ai vécu. Voilà, avant, le drive n'existait pas tout le temps, tu Autrefois, sais. Autrefois, jadis. Jadis, les gens t'empêchaient de passer dans les rayons. Exactement, ouais. Et qui font... Oui, ils parlent, ils discutent entre eux, et ils ont les deux caddies qui bloquent vraiment le rayon. Et ils font semblant de ne pas voir, et qui discutent, ça ne me dérange pas, mais ils font semblant de ne pas te voir et tu ne peux pas passer, c'est agaçant. Donc je m'adresse à tous les clients de tous les supermarchés de France. Faites attention, Brie veut passer, laissez-la passer quand même. Et toi, Ludie, qu'est-ce qui t'énerve sur les courses ? Bon, pas grand. Moi, les courses, c'est assez rapide. J'évite les grandes surfaces et... C'est bien, ça. J'évite au maximum, mais c'est plutôt les gens qui se croient un peu tout seuls, qui parlent comme s'ils étaient seuls dans leur salon, ou qui sont au téléphone un peu sans gêne. C'est plus ça qui peut m'énerver encore. Ça marche dans la rue, maintenant, les gens, ils se parlent en FaceTime, non ? C'est ça ? Qui découvre un mot technologique. C'est beau. Ouais. Bah oui, oui, effectivement. Du coup, ça fait du bruit. Et je vous raconte pas ceux qui écoutent leur musique de plus en plus dans la rue. Vous avez pas ces énergumènes qui arrivent avec des grosses enceintes. Bientôt, ils envahiront vos centres commerciaux. Non. Non. Non, je pense pas. J'espère pas. Et toi, Jean-Kev, qu'est-ce qui t'énerve quand tu fais des courses? Quand tu faisais des courses. Quand oui, tu sais que je fais du drive. Tout le monde le sait. Oui, maintenant tout le monde connaît ma vie. Qu'est-ce qui m'énerve du coup, bon, à part les personnes âgées le samedi matin. Le Flamingos, l'émission qui aime les personnes âgées. Non, mais vraiment, à part ça, j'avoue que j'ai pas grand-chose. Hein. Ça m'énerve plus en fait, hein, vu que je n'y vais plus en fait. Il n'y va plus. Il fuit ces endroits. Ouais, je fuis ces endroits, exactement. Ouais. Non, j'ai pas de truc là, à part, ouais, je te dis, ceux qui grillent dans la queue, là, tu vois. Ah, ouais, ça, là, je suis d'accord avec toi. Là, ouais. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai remis le couteau, hein, mais c'est souvent les vieux, hein, désolé, mais. Ils prennent cher, les vieux. Hein. Ah, ouais, je suis désolé, je les adore autrement. Hein. Mais pas aux courses. Mais ouais, non, mais ça, c'est insupportable. Là, t'as quelque chose de fort. Tu la vois qui fait la queue. Enfin, elle te voit, la personne que tu fais la queue. Elle te passe devant. Elle fait mine de rien. Et toi, t'es là derrière. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là là. Et limite, tu lui dis, elle te râle dessus. J'étais avant vous. Et non, moi, je suis âgé, moi. Oui, voilà, c'est ça, souvent, c'est l'excuse qu'on dit. Je suis âgé, je m'en fous, moi. Carte blanche. T'as le temps, toi, ouais. Carte blanche, tu passes devant moi. Dégage, tu l'assommes. Bah, moi, il y a plein de choses qui m'énervent, c'est quand les prix que tu passes en caisse sont pas les bons. Vérifiez beaucoup l'étiquette caisse, hein. En ce moment, souvent, ça, c'est jamais les bons prix. C'est la fin des tickets, en plus. C'est la fin des... Ouais. Alors, on peut dire c'est bien, et on peut dire en même temps... C'est pas bien parce que tu peux plus vérifier. C'est ça. Et croyez bien qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a bien un truc qui m'énerve, penser. Tu vois, quand tu arrives à la caisse, il y a toujours le moment stratégique que tu choisis ta caisse. Tu te dis, ouais, celle-là, c'est la bonne. Ah oui. Tu vois ? Là, t'es content. Tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai choisi la bonne, ça va avancer. Eh ben non ! Eh ben non, il y avait le moins de monde possible, sauf que la personne en face, elle va te sortir les petites pièces, les machins, tout ça. Moi, je suis un spécialiste pour choisir la mauvaise caisse. Vraiment, le code barre ne passe pas. Attendez, je vais appeler quelqu'un. Du coup, tu restes 3 heures, tu vois tous les autres passer sur l'autre fil. Ah, mais je comprends. Ouais, et puis c'est hyper gênant parce que tout le monde se regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien. Est-ce qu'on quitte cette caisse qui visiblement n'avance pas. C'est ça, parce que c'est un autre choix stratégique du coup. Ou est-ce qu'on se maintient dans cette caisse qu'on a choisie? Si, il y a aussi le côté où tu sais, quand il y a une caissière qui arrive et qui va ouvrir la caisse là. Tu vois, tous les mecs là, ils sont en train de regarder. Ils se disent, ils courent dessus. Il faut courir sur la nouvelle caisse où il y a personne. Une nouvelle caisse, là, tous ceux qui sont derrière te passent devant. Et ouais, ça c'est relou aussi. Ça. Moi je trouve qu'il a une attitude de ronchon, c'est vraiment très bien. Mais ouais, je fais du drive, du coup. Tu fais quoi? Du drive, monsieur. Non, c'est oui, vrai. Oui, voilà, du drive. Bienvenue dans le Flamingos, l'émission où on fait du drive et on aime les personnes âgées. La thématique aujourd'hui de nos experts approximatifs, c'est la ronchitude, c'est le fait de s'énerver. Et je pense qu'on a pas mal traité le sujet, on l'a mal traité comme il fallait, et ça me fait bien plaisir. Bah justement, on va se lâcher dans ce dernier tour de table. Qu'est-ce qui, dans la vie, vous en supporte le plus? Qui sait qu'il y a des choses à dire? Brie, t'as quelque chose sur le cœur, là, tout de suite? Tu peux. Sur le vide, ouais, mais... Ludie, t'as quelque chose sur le cœur que t'as envie de dire, qui t'insupporte? C'est le moment. Eh ben, on est vraiment pleinement dans la période. Là, moi, ce qui m'insupporte en ce moment, c'est les bonnes résolutions. Ah oui. Et oui, on est en janvier, on a froid, on est fatigué, on est motivé pour rien. Et à part rester au lit, alors les bonnes résolutions, on les prendra plus tard. Peut-être qu'on aura un petit peu de soleil, un petit peu d'énergie. J'adore ton truc. Moi aussi, je suis pas très bonne résolution. Je comprends. T'es dans le... Comment ils appellent ça? Le Black Monday, là, le... Bientôt ça le Blue Monday. Le Blue Monday, c'est le Black Friday, c'est les soldes. J'ai fait un mix entre les soldes et le jour le plus déprimant de l'année qui est le Blue Monday. C'est quand le Blue Monday, du coup? C'est plutôt vers la Toussaint. Hein. Ah non, je crois que c'est en janvier. Ouais. C'est en janvier. Ouais, c'est le Black Friday. Non, mais alors, je vais vous dire, le Black Monday. J'ai dit une connerie. Le Blue Monday. Ah, le Black Friday. Mais c'est ça. Ce serait drôle d'inverser le Black Monday et le Blue Friday, ce qui n'aurait aucun sens. Ok. Bah oui, oui, c'est... Bah, fuck les résolutions. Mais c'est clair, totalement. Voilà. Mais toi, c'est parce que tu les tiens pas. Je suis trop ronchonne. D'ailleurs, le ronchomètre l'a prouvé. Il a parlé, et oui. Et toi, Jean-Kev, c'est quoi qui t'insupporte le plus en ce moment? En ce moment, il y a un truc qui m'énerve là, c'est les mecs, tu vois, qui ont des tatouages sur le mollet, là. Tu vois. Et on est en plein hiver, ça caille, hein. Mais les mecs, ils vont mettre des shorts, tout ça pour montrer leur petit tatouage, tu vois. Mais les mecs, ils se caillent le cul, ils ont toujours leur petit short pour montrer leur tatouage. Là, ça m'énerve. Je supporte pas. Je comprends pas. Ça te donne froid. Bah, putain, je dis, mais les mecs, enfin, c'est bon, on a vu ton tatouage, il est beau, hein, ouais, très bien. Mais putain, ça caille, quoi. Enfin, faut un pantalon, quoi. Non, je sais pas, ça vous insupporte pas ou il y a que moi? Bah, à mon avis. Je déteste les gens, peut-être. À mon avis, ils te poursuivent. Parce que. Je les vois pas. Non, je les vois pas, ces gens-là. Si, j'en vois beaucoup en t-shirt. Mais oui, mais c'est le seul qui court, alors. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu vois. Oui, bon, quand tu cours, c'est normal. Peut-être pas un pantalon, mais. Il y a un club de gens tatoués du mollet qui se réunissent pour courir. En shirt ou en t-shirt, hein. Il y a le t-shirt aussi, oui. Il y a des mecs qui se mettent en t-shirt en plein hiver pour montrer leur tatouage. Bah, ils l'ont payé cher, leur tatouage. Ah, je sais, au prix de douleur. Enfin, tu te rends compte? Ils vont te dire que ça. Ouais, ça t'énerve vraiment. Ouais, ça m'énerve. Ouais. Puis en plus, quand tu parles avec eux, ils vont te dire, ouais, ça a une signification, mon gars, c'est super intense. Et en fait, ils savent même pas ce que ça veut dire. Enfin, non, bref, c'est un truc maori qu'ils ont coché. Moi, ça veut dire sushi. Enfin, tu sais, c'est... Non, c'est. Non, j'ai. Non. Bien d'ailleurs. Oui, ça m'énerve. Élément intéressant, qui a un tatouage autour de la table? Non, pas moi. Oui. Ah, Ludie. Et Jean-Claude? Non. D'accord. Sur le mollet, c'est sûr. C'est lui, en fait. Sur short. Ludie, tu as un tatouage. Mais ça, je ne savais pas cette info. Eh oui. Depuis peu? Non, depuis un bon moment. Ah ouais, d'accord. Très bien. Elle met pas de short. Non, c'est pour ça. Je ne cours pas, surtout. Tu ne cours pas. Et du coup, c'était une envie forte ou un truc impulsif? Non, c'était vraiment plutôt lié à la tatoueuse qui faisait des dessins bien particuliers, à la main. D'accord. Pas à la machine, et je voulais faire que de cette façon-là. Quand tu dis à la main, c'est-à-dire moi je les vois avec une machine, avec une espèce d'encre et une piqûre. Oui, c'est ça. Bah là, elle tatoue avec une aiguille à la main. Ah oui, d'accord. C'est vraiment artisanal. Elle a sa petite encre. Elle te fait un petit trou pour le dessin et puis elle te met l'encre à la main. Elle prend l'encre et puis Elle le tamponne. Fais des gestes de tamponner. Elle tamponne sur la peau, voilà. D'accord, c'est une méthode particulière, ouais, effectivement. Voilà. D'accord. Plutôt des petits tatouages et assez fins. Discrets, mais présents et jolis. Bah, joli pour... oui, ça dépend des goûts après, mais... c'est pas le gros placard sur le mollet. Le tatouage maori, tu sais. Sans indiscrétion. Sur quelle partie du corps tu as ce tatouage ? Si tu veux pas dire, tu dis pas. Mais si, sur la clavicule. D'accord. Ah ouais. Oui. D'accord. Ah ouais, mais ça doit faire mal. Il n'y a pas trop de peau. Mais non, ça fait pas. À la main, ça fait moins mal, je trouve. Enfin, je pense que. Mais t'en as jamais fait avec leur méthode. Je pense que ça fait moins mal à la main. D'accord. Ok. Bah, très bien. Les tatouages, donc ceux qui courent en hiver avec des shorts. Non, bah non. Pour montrer leur tatouage. Pour montrer leur tatouage. Ah non, qui ne courent pas, qui se mettent en short juste pour montrer leur tatouage. Ça t'énerve. Exactement, monsieur. Et toi, Brie, il y a un truc qui t'énerve en ce moment ? Plein de trucs. Bah non. Cac. Ah, t'es bien là ? Bah ouais, non, je sais pas, je vois pas trop. Bah, tout ce qu'on a dit, en voiture, ouais, pendant les courses. Il n'y a rien de particulier qui m'énerve. T'es toute zen sur cette fin d'émission. C'est beau. On s'est complètement expulsé ces mauvaises ondes. Ah si, peut-être un truc. Ah. Les médecins qui répondent pas au téléphone. Pas pouvoir prendre rendez-vous chez le médecin. Ça, c'est agaçant. C'est un gros problème, je crois. Hein. En plein hiver, les enfants qui sont malades, toi qui es malade, et t'as beau essayer d'appeler, bah, t'as pas de rendez-vous chez le médecin. Et pendant ce temps-là, eh ben les vieux, ils vont sur leur renouvellement, alors que eux, ça peut attendre. Mais qu'est-ce que je comprends, Brie, merci. C'est vrai que c'est énervant. Bah, c'est insupportable, parce que quand t'appelles et que t'as besoin de ton rendez-vous, eh ben, soit la secrétaire bloque la ligne, ou alors le médecin te dit, bah, c'est pas urgent, ou bah, j'ai pas de rendez-vous, je vais vous donner la semaine prochaine. Non, ça peut pas attendre la semaine prochaine. Vous avez entendu ce d'en haut ? Ça, c'est un message. Et c'est un message fort. Écoutez. Sinon, on vous remet Mélenchon. Vous allez voir. Et bah oui, c'est énervant. Bah, moi, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ce qui m'énervait. Je vais vous le dire, ça va me revenir. Qu'est-ce qui t'énerve, Jack ? Le travail, Jack ? Oh, le travail, c'est agaçant. Oui, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Écoutez bien, Helmut Fritz. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve parce que ça va être encore un peu dans cette même veine. On va travailler jusqu'à quand ? On ne sait pas, malheureusement. Mais surtout, essayons de travailler bien, travailler zen, travailler en décontraction. Et je trouve, c'est vrai, ça m'énerve, que c'est de moins en moins le cas. Donc, reprenons tous dans toutes nos activités au quotidien, cette philosophie de se dire on est là aussi pour s'amuser. Amusons-nous, plus au travail. Voilà ma déclaration. C'est beau. Ouais. Ben voilà, ça m'a fait du bien de vous le dire. Ça m'a fait du bien d'échanger avec vous sur ce thème de la ronchitude. Et j'ai passé un très bon moment et je suis détendu en vérité. Un peu comme vous tous, je vous vois avec vos mines détendues, vos mines réjouies. Ça va beaucoup mieux. Parce qu'on a expulsé tout cet énervement. Je vous dis à très bientôt, les internautes. À très bientôt, les auditeurs. À très vite. Au revoir, Jack. On a hâte de vous retrouver dans le Flamingos. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Attendez, j'ai un petit cadeau pour vous. On danse et on chante. Une fête sonore où l'humour et la flamme. Jack, Ludie, Brie et Jean-Kévin, on est là. Prenons le micro pour partager. Ah ah! Flamingos, notre podcast est en feu. On discute, on rit. Une ambiance heureuse. Thématique abordée de façon approximative. Flen. monde parfois nous rejoint pour rire avec nous. Oh, c'est festif. Je roule passera celle-là. Elle est pas mal, elle est pas mal.